C'est la prochaine discipline au JO. Ok. En 2020, là, à Tokyo, l'année prochaine, Yes. là, d'été. Yes. Tu vois, moi, personnellement, c'est pas ce qui m'excite le plus, tu vois, mais ça rejoint encore une fois à ce qu'on se disait tout à l'heure. Aujourd'hui, ben, chez Molly, c'est un magasin. On a comme pour but de vendre. Donc, c'est que du bon. Ça va Oui. enlever cette image de jouer déjà. Ouais. Les gens, quand ils entendent skate, ils n'entendent pas du tout sport. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, ça va peut-être commencer à changer, tu vois. OK. Quand tu vois, il y a 10 ans, quand le snowboard il est arrivé, c'était pareil. C'était le zbeul dans le village olympique, tout ça. Les gens, ils Ouais. comprenaient pas. Ils n'arrivaient pas à noter. C'est vrai, c'est Tu vois ce vrai. que je veux dire? Ouais. Et aujourd'hui, c'est ceux qui font le plus d'audience aux JO d'hiver de snowboard. C'est vrai. Donc, tu vois, si ça peut rejoindre la Exact. discipline cousine, on va dire, Yes. du skate, c'est que du bon. C'est que du bon pour Molly et puis son avenir. Voilà. Exact. Tu vois, et puis après, dans les rappeurs, tout ça, en France, il y a comme tout le monde connaît l'homme pâle. Hein. Ouais. Bah, ça rejoint encore les JO, tu vois. C'est pas ma tasse de thé. Mais c'est que du bon pour le business et puis tout ce qu'il fait, c'est de la force, c'est bien. Il doit continuer, c'est OK. top, c'est top, c'est top. Et ben Et il est justement apprécié en plus, je pense. Les jeunes, ils kiffent. Et voilà, tu vois, je crois qu'il s'étend pas trop sur des sujets qu'il ne le regarde pas. Ou, tu vois, il reste dans son truc. Il se revendique skater, tout ça. Ben, c'est bien s'il fait vendre. Ouais. Tant mieux. Tant mieux, comme tu dis. Ben justement, le skate dans le hip-hop, donc il y avait l'homme pâle. On avait parlé un peu tout à l'heure ben, avec Babe de Pharrell. Donc c'est vrai que moi, pareil, hein, je te dis de l'extérieur. À un moment, je m'étais demandé est-ce que le mec, il s'est vraiment mis au skate? Parce que je sais que Lil Wayne, à un moment, il avait déclaré que il arrêtait le son pour se consacrer au skate. Ouais, ils ont ce qu'ils ont un peu fait et pas au final parce qu'ils continuent le son les deux. Et ce serait con d'ailleurs d'arrêter le son pour un sport. Tu vois, ça existe pas. L'un va avec l'autre, tu vois. Dans le skate, t'as trois univers qui se rejoignent tout le temps. C'est l'art, c'est les dessins, c'est tout ce qui est graphique. Parce que sous les planches, t'as des dessins, t'as des graphismes. En général, ils font appel à des mecs dont c'est le métier, tu vois. Des gens même connus, revendiqués, tout ça. Et dans les parcs de skate, du coup, t'as de la musique. Et aujourd'hui, tu retrouves à 80% du rap. Parce que je veux dire, tout le monde écoute du rap, c'est rentré dans les mœurs, aujourd'hui ça choque plus personne. Et donc du coup, tu vois, c'est pareil. Donc du coup, ils font croquer leurs potes, tout ça. Et ça fait un beau mélange, ça fait un bon truc bien éclectique. Et tout va bien, tout va bien. Donc tu vois, donc Pharrell Williams s'était lancé il y a, je sais pas, 15 ans, un truc du genre, avec Ice Cream, Oui, sa marque, exact. tu vois. Donc il l'avait consacré entièrement au skate, celle-là. Et ben, ça a duré le temps de la mode du skate de l'époque, parce que ça s'est éteint. Et là, c'est revenu très fort, très très très fort, tu vois. Et entre-temps, il a créé Billionaire Boys Club, en fait. Yes. Et là, il revient petit à petit avec Ice Cream, parce qu'il voit que le skate, ça reprend du poil de la bête, comme on dit. Puis voilà, quoi. Et puis c'est le poteau à Nigo. Donc Nigo, c'est le mec créateur de chez Bape. Et c'est Nigo qui lui fait tous ses designs, en gros. Donc c'est un Jap, lui, c'est ça, non? Ouais, Oui, voilà. Puis il ok. collectionne tout, ce gars. Il Ok. a tout. Du timbre à toutes les Rolex, en passant par toutes les malles Louis Vuitton, les boutons. Il collectionne tout et n'importe quoi, en fait. Tout. Ok. Mais comme personne, tu vois. En plus. Puis voilà, puis aujourd'hui, on a trop des skateurs qui font du rap, tu vois. Il y Ouais, en a justement, plein. je cherchais s'il y en avait T'en d'autres là, as j'étais en train de chercher en Gogo, même tu vois. T'as Rich the Kid. T'as Raise La Flare. Ils font aujourd'hui. Enfin, tu vois, le skate aux États-Unis, c'est comme. Je sais pas comment le dire en français. Limite comme le foot. Tu vois, ça a Ok. changé. T'as le basket. Tu vois ce que je veux dire, qui est dans la street. Et puis, en fait, tout le monde a sa période de skate, en fait. Tu vois, soit dans le ghetto ou ailleurs. Ça coûte pas cher aux États-Unis un skate. Alors qu'en France, ça, c'est le problème, en fait, en Europe. C'est que vu que ça vient de là-bas. Là-bas, pour faire simple, un skate, ça doit coûter dans les 70 € tout monté, avec tout le matériel qu'il faut. Et ici, c'est 190 balles, 200 balles. Ouais, ok. Ça monte vite, vite, vite. Du coup, tu vois, c'est vite un sport de riche en France. Mais c'est en train de changer tout ça, c'est en train de Ok. changer. Il y a des marques françaises, il faut produire ici, tout ça. Ça commence Ah ouais, à ok, bien je pensais changer. pas que c'était, Ouais, tu c'est vois. ça. Ouais. Mais tu vois ce qu'ils ont fait dans nos quartiers en France, à mettre des stades partout, Ouais. des cages. aux États-Unis, dans tous les ghettos, ils ont mis des skateparks. Ok. Partout. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Et c'est un terrain de basket et collé, il y a un skatepark. Ok. C'est comme ça. C'est, okay. c'est dans. Tu vois, donc du coup, tu vois, aujourd'hui, c'est là où ça fait plaisir. Il y a 20 ans en arrière, quasiment tous les pro-skateurs, c'était en majorité des blancs, des gars issus des beaux quartiers, tout ça. Aujourd'hui, les meilleurs skateurs au monde, c'est des Renois. C'est ce que je veux dire, parce qu'ils l'ont donné tout pour réussir et puis il y a du buff à gogo dans le skate. Ok. Du coup, ça attire beaucoup, beaucoup de gens. Ok. Voilà, c'est super vaste. Bien sûr, bien sûr. Mm-hmm. Ça réunit après aussi, tu vois ce que je veux dire, c'est... Ouais. Pas de différence, tu vois ce que je veux dire, t'es sur ton skate, c'est comme si t'allais jouer au foot avec un gars, tu t'en fous de ce qu'il fait ou quoi, tu vois. Tu fais des passes. Mais tu sais, tu parlais, voilà, on faisait un rapport avec le hip-hop en général, le rap et tout ça. Et moi, comme ça, là, en fait, je reviens dans le passé, genre époque collège. Pour moi, un skater, il écoutait du rock. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que... Mais ça, c'est vraiment les skateurs de province, malheureusement. Ok, ok. Tu vois, quand on disait qu'il y avait... À l'époque, on disait... Il y avait 5 ans de retard, des bails comme ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'on a les réseaux sociaux. Du coup, on a l'info direct. Et puis, t'as des mecs qui sont restés bloqués. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme dans tout. C'est vrai que dans le skate, on a eu beaucoup cette image. Tu vois. Vraiment, même, tu sais, une image limite sale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'était non, pas. Non, mais même de tu sais, je sais pas. Parce qu'en fait. Je te parle l'époque collège, tu vois. Parce que ouais, parce que regarde, voilà, tu vois, cette époque, moi, on doit avoir le même âge à peu près. En fait, dans le skate, t'as beaucoup de mecs aussi qui se baladent avec leur skate. Ils font pas de skate. En général, les skateurs, tu les vois pas. Ok. Tu vois ce que je veux dire, c'est comme un accessoire aujourd'hui de... Je suis dans la vibe et compagnie, alors qu'on n'est pas du tout là-dedans, en fait. Et tous ces mecs-là, la vérité, c'est pas des skateurs. D'accord, pour la plupart. Okay. Parce que le skateur, en général, il la tient pas à sa planche, il est dessus. Il trace. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, il est en train de skater. Ça, c'est tu viens, ça. Tu viens de changer beaucoup de choses dans ma tête. Ouais, là, mais c'est comme pour là, les habits, voir, comme pour les chaussures. Tout à l'heure, je te disais, aujourd'hui, nous, on a nos chaussures. Tu vois, on met des sneakers, on met des baskets, comme tout le monde. Et quand on fait du skate, on met des chaussures de skate. Tu vois ce que je veux dire? Comme un mec quand il met ses crampons. Je mets pas les deux, tu vois. C'est, ça, exact. Bon, après, tu peux essayer les crampons sur le skate. Ah, là, ça va être dur, ça va être compliqué. Donc, c'est ça, en fait. Puis nous, on est les premiers, tu sais, à les appeler entre guillemets les poseurs. Ok. Ouais, en vrai, tu le vois pas se balader, le skater. Ouais. Il est sur les poseurs. Ouais, voilà. On pense à vous, les gars. On pense à vous à fond. On vous aime bien quand même. Donc toi, si j'ai bien compris, t'es pas un poseur, du coup, t'es un skater. Donc on dit pas. Aujourd'hui, je travaille beaucoup. Je suis devenu un poseur, tu vois. Ouais, t'es devenu un poseur. Plus qu'un skater. Ok. Mais un influenceur. On dit quoi? On dit un skater, un rider, un skater. Un donc... rider, c'est plus un mec qui va tout faire, en fait. Ok. Faire du snow, il va se... Qui va tout faire, du BMX, de la... Voilà, c'est... C'est tous les trucs qu'on conjure. Ouais, voilà. Ok. Donc, je voulais un peu te parler de l'échelle locale, du coup. En suivant un peu ce que tu faisais, tout ça, je suis tombé sur Sirocco Skate Club. Donc, j'ai commencé un peu à regarder. Tu parles de... Il mérite qu'on les place. Ouais. Et en fait, tu vois, moi, de base, justement, il y a peut-être 2 ans, tu vois, j'avais entamé un clip. Au skatepark, là, vers le pont, là, qui descend, le pont Charles de Gaulle, là. J'avais entamé un clip avec des mecs qui faisaient du BMX, tout ça, tu vois. Et en fait, le truc, il n'est jamais sorti parce que je ne suis jamais allé jusqu'au bout de mon idée. Et depuis, je cherchais toujours des mecs qui skatent ici. Et en fait, je ne sais pas où sont les spots, je ne sais pas qui sont les gars, tu vois. Mais je suis tombé sur ça, tu vois. Ouais, le Sirocco, c'est une association, elle a plus de 10 ans aujourd'hui. Elle doit avoir 11 ans ou 12 ans. Ouais. Et c'est les poteaux dont je te parlais tout à l'heure qui m'ont fait venir ici, entre autres. Ok. Et ben à la base, en fait, c'est juste que, tu vois, ça doit encore être le cas pour pas mal de disciplines ou autre chose dans Besançon. Okay. C'est qu'il n'y a pas les locaux, il n'y a pas les infrastructures. Et aujourd'hui, tu es obligé de te débrouiller un peu tout seul quand tu n'as pas le choix. Et quand tu vois, on a travaillé tous, par exemple, nous, on a tous plus de 30 ans. Donc, on n'a pas des horaires qui nous permettent de pouvoir aller aller le mercredi après-midi ou des trucs comme ça dans des lieux où que la ville prête font, tu vois, qui sont pas entièrement consacrés à la discipline. Du coup, les poteaux, ils ont monté l'association, du coup, parce que t'es obligé de monter une association aujourd'hui si tu veux être revendiqué, et si tu veux faire les choses et que ça avance assez vite. Exact. Donc, ils ont, même juste pour avoir un compte bancaire, tu vois, c'est, tout ça, c'est plus simple. Donc, du coup, ils ont monté ça au tout début dans une espèce de petite baraque EDF vers Valentin. En fait, il y a eu quatre versions, en fait. Quatre versions du Sirocco. Il y a eu Valentin, il y a eu... Après, moi, tu vois, comme je te dis, moi, ça fait 5 ans que je suis là, du coup. Je sais que ça a commencé à Valentin. Le dernier local, c'était à Beurre. Et aujourd'hui, ils sont à Saint-Claude, au Torcol, à la place des terrains de tennis. Ok. Juste à côté du stade de foot. Ouais. C'est collé. Et du coup, on est hébergé du coup par la ville. Ouais. C'est dans un local multi-associatif. Et en gros, le délire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a tous plus de 30 ans. Du coup, on est obligé de faire les choses nous-mêmes. On met tous à 30 euros par mois, en fait. On est plus de... À la base, on était, je sais pas, une quinzaine. Une quinzaine, du coup, ça suffisait pour ramasser un peu d'argent et payer un loyer dans un truc pourri en plus. Hein. La Beurre, c'était une grange, il n'y avait pas rien du tout, il n'y avait pas de fenêtre, c'était la merde. Tu vois. Puis aujourd'hui, du coup, la mairie, elle a réagi un peu par rapport à toutes ces assassins à la rue, on va dire. Puis ils nous ont tous réunis au Torcol. Et aujourd'hui, tu vois, on est plus d'une cinquantaine d'adhérents, il y a plein de jeunes qui sont là. Et puis, voilà, on a... un peu ce qu'on veut quoi dans la donc en fait c'est un genre de c'est votre terrain de jeu quoi. Ouais, voilà, vous avez créé votre propre ouais, on a créé notre skatepark. Ça tue ça, complet, 500 mètres carrés moi je suis jamais allé encore que c'est privé en fait, en gros faut absolument faire partie de l'association pour pouvoir accéder aux infrastructures. D'accord, parce qu'on a pas on se démerde de nous-mêmes, on a zéro aide de la mairie quoi. Il y a des histoires de sécurité aussi. Ouais, voilà. S'il arrive des choses dedans. C'est ça. Mais tout est aux normes. Tout est bon. Tout est bien. Ah ouais. Mais qui vous fait les. Comment on appelle les. Les modules. Les modules. C'est nous, on fait tout nous-mêmes. Vous avez tout fait. Nous. C'est surtout un mec qui s'appelle Nicolas. Ok. Son surnom, c'est La Mule. Ok, La Mule. Voilà. Ok, La Mule. Et La Moula, voilà. La Moula. L'autre, c'est Paolo. Dit Racho aussi. Okay. C'est Racho, c'est la légende byzantine. Bah, tu le connais. Ouais. Tu le connais bien. Ouais. Ben, c'est lui qui a monté le skate à Besançon très haut dans le level, on va dire. Vraiment très très haut. Et qui fait que. C'est un mec que je vois partout. C'est un truc de ouf depuis longtemps en fait. Ouais. En fait, je le connais de vue, hein. Je le connais pas personnellement. Mmh. Mais je le vois dans pas mal de trucs à chaque fois. Bah. Et puis voilà, et puis il y a aussi Sven qui a... Tous ces mecs, en gros, ils skatent pour la boutique aussi, ils sont sponsorisés par le magasin. Parce que c'est des très très bons skateurs, okay. Et puis pour certains, ils sont connus nationalement. Sven de Belfort, hein. Si. Du coup, voilà quoi, on est une bonne équipe, on est bien organisé, on se débrouille de nous-mêmes. On a compris qu'en fait, c'était qu'avec ça qui marchait, surtout. On a tout... Mais tu vois, en l'espace de 10 ans, les gars, ils ont appris à construire des modules, surtout. Ils ont gagné un savoir-faire, ils savent faire, en fait. Ok. C'est des tueurs. C'est inspirant aussi pour peut-être d'autres qui bien sûr. Envie de construire quelque chose avec rien, tu vois. Donc, bah oui, ça coûtera toujours moins cher de le faire toi-même. Ouais, bah oui, c'est clair. C'est sûr et certain. Non, mais c'est bien. Et la question, c'était, tu m'as dit que c'était un local multi-associatif. Voilà, ouais. Et donc, du coup, dans ce local. Il y a qui d'autre dans le. Tu vas y trouver du parcours, du BMX, du roller. Il y a de la danse. De la danse hip-hop et puis normale. Tu vas y trouver des modules de graph. Et puis. Puis voilà, quoi. Puis, Ok. Puis on est un beau petit monde là-dedans. Quoi. Ouais, bah ouais j'imagine. Ouais. Ok, donc en passant, un gros big up au Sirocco Skate Club pour ce que vous faites pour le skate byzantin. Ouais, voilà. Le skate byzantin et régional. Hein, parce que je pense que. Est-ce que vous avez des adhérents qui viennent pas forcément de Besançon? Carrément. On a des adhérents qui viennent de partout là autour. On a des adhérents de Lons-le-Saunier, de Grès. de Vesoul, de Pontarlier. Tout ça juste parce qu'en fait, c'est simple, il n'y a aucun skatepark couvert dans ça, tout c'est... l'est de la France, juste ça, de jusqu'à Gerland en fait. Après, tu dois aller en Suisse. Ok, ouais, pour faire. Gerland à Lyon, tu vois. Ouais, ou ouais. Alors, je sais même pas où il est le plus proche en France, au-dessus. Franchement, ça ne me vient pas. Du coup, on est la seule infrastructure. On a les gars de Dijon qui viennent. Ah non, t'as Dijon, ils ont un skatepark, mais ils glissent. Ah ouais. Tu vois, c'est une patinoire. C'est... Du coup, c'est. Les gars de Dijon, ils préfèrent aussi venir nous voir. Okay. Puis ça. Ça les fait bouger, les gens, quoi. Ils sont contents, ils sont contents. Bah ouais. Mais ouais. Puis après, on est la grande ville, on va dire, entre guillemets, du coin. Du coup, ils en profitent pour faire plein d'autres choses. Il n'y a pas que. Passer au shop. Passer au shop. aller au forum. Si, si. Manger un quick. Pas mal de trucs. Ok. Très bien. Bon, bah, belle découverte. Merci. Donc, tu disais que. Tu trouvais qu'il n'y avait pas assez de structure consacrée au skate. Mais moi, en tant que jeune bisontin, comme ça, je te dirais, mais il y a quand même deux skateparks à Besançon. Deux skateparks, ça ne suffit pas. Mais en fait, c'est le problème, c'est ça. J'aime pas trop dire ce mot, mais tu vois, en province encore, c'est pas assez... Genre, le skatepark de Besançon, il devait être bien à la base. Sauf qu'ils ont, ils ont pas suivi les plans. Ils ont suivi un dessin, puis ils ont fait comme ça. Ok. Du coup, il y a aucune ligne qui va, en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est pas cohérent, quoi. Non, tu peux aller que... Je sais pas si t'as remarqué, du coup, ou je vais te le faire remarquer, mais tu peux aller que dans un sens. Et après, tu peux pas revenir. Ok, d'accord. Tu vois, t'as un lanceur là-bas, là, au fond. Ouais, ouais. Puis après, de l'autre côté, t'as plus rien. Oui, exact. Ça existe pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Et du coup, ils l'ont fait à partir d'un point dans l'espace. Et le skatepark, il fait tout comme ça. Alors qu'il devrait être tout parallèle. Du coup, tout va vers un point au lieu qu'il y ait au lieu que ça soit parallèle. C'est pas... Du coup, c'est praticable. Mais tu t'ennuies vite. Ouais. Puis tu t'enlaces, quoi. Et puis c'est dangereux en plus de tout. Parce que tout le monde va vers le même point, du coup. Ouais, exact. Ça, c'est bizarre. Et celui qui est au-dessus, il est délabré. Oui, celui-là, il est encore celui-là, plus ancien, celui-là. Nous-mêmes, on sait pas pourquoi il est là, en fait. Il devrait l'utiliser pour faire un truc sympa. Ouais. Mais nous, ce qu'on aimerait en vrai, c'est faire comme en Espagne, en Allemagne, aux States. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, en Europe, ils ont compris certains pays, mais encore pire, dans les pays scandinaves. Ils ont les meilleures infrastructures du monde, je crois, aujourd'hui. Okay. Parce qu'il fait souvent froid, du coup, ils savent faire des choses à l'intérieur. Puis ils font ça dans des énormes halls et tout, c'est magnifique. Mais ouais, ils devraient faire couler une dalle, faire un city stade, un terrain de basket. À skatepark. Oui, à cet endroit-là, là, vers le. Mais ouais, il y a largement la place, il y a de quoi faire des trucs magnifiques. Mais ils ont des autres priorités, apparemment. Projet, ouais. Voilà. Oh, et c'est des budgets, c'est des budgets. Changer le synthétique du Racing. Je sais pas c'est quoi leur projet, mais. Non. 1 million d'euros. Si jamais, là, il y en a un petit, là, qui est sous le nez, là. Ah, ouais, ça. Hop là, c'est cadeau. Non, mais tu sais que c'est incroyable, ça. Bah, dans d'infrastructure, regarde combien il y a de synthétique pour les clubs de foot à Besançon. C'est combien ça coûte un synthétique à faire ? Ouais, ouais. 1 million d'euros. On m'avait parlé aussi des histoires de parquet aussi. Un club de foot. Au Palais des Sports aussi. Ça, c'est une catastrophe. Ouais. Le parquet du Palais des Sports, ça fait 20 ans que c'est le même. Et ils l'ont pas changé. S'ils l'ont changé comme le basket a chuté, ils l'ont passé en taraflex. C'était le revêtement pour le hand. Tu vois. Donc tu peux plus jouer au basket dedans. Ouais, c'est T'imagines, avec un terrain synthétique à 1 million d'euros, que le projet Kiki, tu peux le faire 10 fois. Non, c'est un projet à... Tu sais, il existe ce projet, c'est un projet à 300 000, 400. Tu vois ? Puis ça, en vrai, ce qui coûte le plus cher dans l'histoire, c'est le skate, parce qu'il faut faire des modules. Après, la dalle en béton, elle est pour tout le monde, tu mets des cages de foot en béton, tu sais, ça, c'est magnifique en plus. Et puis, deux paniers, c'est pas... Franchement, c'est... Oui, après, c'est les priorités. Voilà. Priorités de la ville, quoi. Voilà, déjà qu'il nous fasse un tram qui va à Château-Farine. C'est pas mal. Donc voilà, monsieur Fousseret, si vous nous écoutez, voici un beau projet avec des jeunes motivés derrière le micro. Donc voilà. Ah, mais ce qui est dommage, c'est que ça se développe autour. Là. Il y a un skatepark à Ornans. Là. Il, il va être inauguré là dans le mois. Okay. Un truc pas mal du tout. D'accord. Et il y a un skatepark à Pontarlier de ouf qui arrive là aussi, pareil. Okay. Donc tu vois, ça pousse. Ça va, il y en a un peu partout des... Il y en a à Baume-les-Dames. Et d'accord, du coup, c'est là où c'est dommage que Besançon ne soit pas vraiment, bien représenté comme il se doit dans le truc. Quoi. Même à Saint-Vite, ils ont fait un petit skate. C'est vrai, je te jure. Merci. Mmh. Ah, il lève le doigt. Ah, il y a un message pour monsieur Fousseret. Alors, prends ta respiration. Allez, c'est parti. Bonsoir, monsieur Fousseret. Ça va ou quoi? Ça va, ça joue ou non? Non, je rigole, là, je rigole. Bref, comment dirais-je, j'aimerais bien beaucoup de statistiques dans le quartier parce que, en gros, toi, c'est la folie. Parce que, oh, soit il n'y a pas de statistiques, soit c'est le bordel. T'as compris, non? Mais maintenant, mets des statistiques un peu. T'as capté ou pas? La folie. Animal avec deux S. Hein? Voilà. Animal avec deux S, si tu cherches. Tu mets des statistiques, mais d'un côté, tu mets des skateparks. Voilà, voilà. Les skateparks. Ah, t'es un bon. Ah, parce que des fois, je joue au foot, mais des fois, je vais chez Molly. Ah, il a décroché son stage. Là, c'est ouais. Non, mais de toute façon, je te posais cette question pour le skate parce que je le pose pareil en général aux mecs qui font du son. Tu vois, nous, la plupart des mecs qui font du son ici, c'est toujours la galère parce que personne n'a forcément de matériel. La ville, ben, on a DJ Bounce à Montrapon qui fait des séances, tout ça, gratos et tout, tu vois, vraiment, voilà, en mode. Ouais. Mais sinon, c'est tout de suite, tu vas dans un studio pro et tu payes une blinde. Et pour des gars qui ne sont pas forcément pro, on va dire, qui sont encore amateurs ou qui font ça pour le plaisir, ben, à part acheter ton propre truc et faire ton propre studio, il n'y a pas de structure, tu vois. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te demande aussi. On est dans la même galère. Donc. Beau projet au Torcol, ça fait plaisir. Voilà. Et puis du coup, ça a ouvert la porte aux plus jeunes. Yes. On a adhéré, c'est ça le truc. C'est qu'avant, on était que des plus vieux, on payait super cher. Maintenant qu'on a plus ce truc d'électricité, déjà, et puis on a pu baisser un peu les tarots, ça reste assez élevé, c'est 200€ l'année. Ok. Donc, ça fait 14€ à peu près par mois. C'est vrai que pour certains, ça peut faire très cher. Mais aujourd'hui, c'est la licence d'un pour faire du sport, quoi, comme on dit. Voilà. Donc voilà, on a re-ramené un peu de jeunesse sur la scène byzantine. Puis j'en vois un jeune, là. Il est tout le temps dans tes snaps, là. C'est un tueur. Ah, lui. Gabin. Lui, c'est un tueur, lui. C'est quoi, il m'a envoyé au moins 15 messages. Il m'a dit, s'il te plaît, fais-moi un big up. Bah, tu vois, regarde, c'est même, bon, c'est, t'es c'est, content. C'est même pas toi, Fares. Ah, tu vois. Fond, à chaque direct. Fois, je le vois dans ta story. On t'a reconnu, c'est le loup. C'est un malade. Et si tu nous écoutes. Attends, moi, je voulais vous poser une question. C'est comment là-bas, votre local? Vous avez genre des. Vous ramenez chacun votre skate, vous faites ce que vous voulez? Ouais, ou voilà. Genre... Ouais. Il y a des éducateurs, il y a des formations non, qui existent. Non, non, non. C'est pas structuré comme ça. C'est pour ça que nous, on est privé, en fait. On est une association privée. Okay. On fait payer. Il y a que les gens, les adhérents qui peuvent rentrer. Pour qu'on ait pas de compte à rendre. En fait, c'est comme si t'as un stand de tir, chacun vient. Voilà, tu viens avec ton skate, ouais. Je te monte en l'air. Ok. Non, c'est cool. Yes. C'est cool, il n'y a personne pour te mettre de la pression. Tu signes juste une feuille de décharge. Ouais. Comme ça, si tu te blesses, tu peux t'en prendre qu'à toi et nous, on est responsables. En faisant un L-flip. Et puis après, voilà. Et niveau compétition, vous en faites des fois? On organise, ouais. Ça a été fait auparavant. Tu vois, genre là, ben, pour l'association, moi, je suis responsable exclusif de tout ce qui est événementiel. Donc, du coup, on va commencer à attaquer tout ça. Ça fait 10 mois qu'on est dans les locaux. Du coup, on a dû faire les modules, on a dû attaquer, faire des travaux, tout ça. On n'a pas trop eu le temps de se reposer là-dessus, mais on va attaquer ça pour cet été fort, avec, j'espère, une espèce d'écho national, avec des marques, des stands. Des pros qui vont venir, des gens qui viennent, qui sont connus, tout ça. C'est bon, ça. Ouais. On a des potos, ils sont DJ, ils sont dans l'événementiel aussi, ils connaissent du monde. Et puis normalement, on devrait faire un bon truc. Yes. J'espère. Eh ben, affaire à suivre. Affaire à suivre. Puis vous serez invité, bien sûr. Ah ouais, bah ouais, avec plaisir. Avec grand plaisir. Écoute, on va faire une petite pause musicale. J'étais en train de guetter un peu ta playlist. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il est 23h24. On est toujours dans la 25e, l'émission spéciale Molly. Ce soir, Molly, magasin de SAP, 60 rue Berceau à Besançon, chez Molly sur Instagram. N'hésitez pas à aller liker et à aller guetter les photos. Allez, je te balance Greedo Twisting the Lens. Je crois que c'est ça. Je balance ça, vas-y, je laisserai un peu couler, tranquille, et puis après, on se termine ça, cool. Cool, cool. Yes. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Twisting the lens on my camera. I'm twisting the lens on my camera. That just mean I stay focused. Pouring the drip in my Phantom. Twisting the lens on my camera. Mean I stay focused. Twisting the lens on my camera. Twisting the lens on my camera. She sucking my dick, I got stamina. I dance on the brick like I'm hammer. I turn your bitch to my cancer. She smoke a stick of that cancer. I told her I only smoke reef. I'm coming out of your speaks. Snort a line of that bass on the titan. I like that bitch that she freaking. Told that bitch you not her but I'm geeking. I told this bitch that we speaking. I told that bitch that they peeking. I told that bitch that we creeping. Like, bitch, can we be friends? I don't wanna love her. Don't wanna hug her. Don't wanna fuck her. She say I'm like thugger. She know that I'm thugging, but I gotta fuck her. Cause I ride with breezes, but I'm making art. My canvas the stitches, I came from the start. I made it right at the start. Twisting the lens on my camera. Ooh. Twisting the lens on my camera. Twisting the lens on my camera. That just mean I stay focused. Pouring the drip in my Phantom. Twisting the lens on my camera. Mean I stay focused. Twisting the lens on my camera. Twisting the lens on my camera. Twisting the lens. Twisting the lens on my camera. Twisting the lens on my camera. That just mean I stay focused. Pouring the drip in my Phantom. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yo, yo, yo, yo. It ain't fuck with me off strength. Fuck the politics. Watch my brother sip, I'm tryna call it quits. I treat her like what she is, but I can't call it quits. Yo. Ay, yo, yo. Ay, my feelings on my sleeve, I'm my mama twin. Won't let them get my soul, I'm my mama kid. Not playing politics with Obama now. Just met her at my show, can you drive the whip? She get mad when I pull, then she good for this. That code ain't keep a scope, it's like 2 to 6. Can't give up on your soul, don't care who it is. Don't care who it is, can you stay true to this? GLE dash car, I'm gliding, they like who in it? Let's skip the sad part, I know this like some movie shit. Let's skip the sad part, let's get back to them coops and shit. Yo, yo, yo. Hey, they fuck with me off strength, fuck the politics. I love you on these perks, I can't call it quits. I treat her like what she is, but I can't call it quits. Fuck the politics, fuck the politics. Hey, they fuck with me off strength, fuck the politics. Yo, yo, they like fuck the politics. La 25e, on est toujours là, l'émission spéciale Molly. On continue, on envoie la petite playlist. Il nous a fait une petite playlist là. Ha, la, la, la. Et retour de Jounes dans le Money Time, comme d'hab. Radio La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Up the spot, D-A-P and really eating niggas watch. My bitch hot like she D-ing up the spot. Keep a lit 16, a network of typers. Fuck selling the pipers to get the baby the diapers. Call a bitch Swiffer cause all she know is swipers. Fuck a rap nigga but she don't need him to wife her. D-ing up the spot. Bitch trucker, all your mans wanna fuck her. She get a nigga cleaned up too, you need a buffer. Travel out to them islands and Thailands. She don't know if it's Land Van or Line Van. All she know if it's my hands, it's pie hands. All she want is the monograms and my bands. Charcuteries. Yo, what is charcuteries? Man, it's when you go to your hotel room and they got the cheese and the fucking pepperoni sliced on the little wooden board waiting on you. New jewelries. New taste level shit, she be schooling me. I got a bitch that'll master your card. Nice with the visas, passports is odd. Every page inked up, her and the bitches link up. They think they hear the drum in the machine when it syncs up. Heads bopping, boop bop, dee boop bop. Who you think showed you that Chanel did the tube socks? Busting down watches, rental whips in the garages. She don't trick, but she charges. Lotta. Double C's, double G's. You know I do it. New body parts, they double D's. You know I do it. The dual exhaust, it's double V's. You know I do it. You niggas talk, she fucking me. Her mother saying she should be a nurse hurts. But she just worry about who got the purse first. I tried to tell her go to real estate school. She say, don't you see these fucking dealer plates, fool? You know the rush it is to know bitches hate you. Cause they man is locked up but still laced you. And you know I need it twice, so it takes two. Fendi crossbody fanny pack, nigga. Beige blue. I got a bitch that'll master your card. Nice with the visas, passports is odd. Every page inked up, her and the bitches link up. They think they hear the drum in the machine when it syncs up. Heads bopping, boop bop, dee boop bop. Who you think showed you that Chanel did the tube socks? Busting down watches, rental whips in the garages. She don't trick, but she charges. My bitch hot like she D'ing up the spot. My bitch hot like she D'ing up the spot. She AP and really eating niggas watch. Up the spot. My bitch hot like she D'ing up the spot. Radio La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. She keep once and he turn gangster. I'm spinning in this bitch like some turntables. I was fucking on your bitch while you were waiting. Yeah, she had your ass waiting like you were a patient. I'm with my black bitch, gonna get my Caucasian. Bring that M16 out for certain equations. This shit ain't adding up, set off every calculation. I'm on the road, I got that hoe doing mastication. I got this pistol and this bitch start doing vibrations. I'm going fast in my car, my shit stay calibrated. I seen a $1 million lick, you know I had to take it. Blue faces call my phone, you know I had to cake it. I do this shit on my own, fuck your collaborations. I don't need no ID, check my verification. I hear Johnny on the phone, tell him elaborate me. Just to pull up to your party, boy, you gotta pay me. Bitch, you gotta show me some, bitch, immaculate me. What the fuck makes you perfect? Practice, baby. I call up Zay Tiggy, I ain't be jacking, baby. I got $100 each pocket of my jacket, baby. Hopped out on your hoe, she said you're capping, baby. Hey, I ain't a crack, baby, I'm a capping, baby. Ho, you can get off my boat, I'm the captain, baby. I treat the bullets like a ship, how I sell it, baby. He listen to a chick he wants and he turned gangster. I'm spinning in this bitch like some turntables. I was fucking on your bitch while you were waiting. When she had your ass waiting like you were a patient. I'm with my black bitch, gonna get my Caucasian. Bring that M16 out for certain equations. This shit ain't adding up, says my fucking calculation. I'm on the road, I got that hoe doing masturbation. The police pulled me over. lover and I'm intoxicated. I'm trying to see what the fuck they determination. They wanna take me out and then incarcerate me. Cause my car look like a badass moderation. Hoes say I ain't easy, it's some complications. I don't do the cuffing, bitch, pick up your desperation. Have my Uber drop you off, what's your destination? Vegetarian, vegetation, meat, aspiration. Told that bitch to add it up, can you do multiplication? I'ma need some mesmeration for my recreation. Every time I hop out, it's a celebration. I don't need you or your damn consideration. I ain't shaking hands less, I like the negotiation. Hey, I curse too much, I ain't good appropriation. To go and pick up the damn cake, that's my damn operation. I'm the nigga, I ain't with the rest of the population. He listen to the chick he wants and he turn gangster. I'm spinning in this bitch like some turntables. I was fucking on your bitch while you were waiting. When she had your ass waiting like you were a patient. I'm with my black bitch, gonna get my Caucasian. Bring that M16 out for surge equation. This shit ain't adding up, says my fucking calculation. I'm on the road, I got that hoe doing masturbation. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Bah, du coup, avant de reprendre l'émission, wesh, Jounes, ça va? Ouais, je suis bien, quoi. Ouais, pépère. Écoute, ma gueule, t'es en retard d'une heure et demie quand même. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est relatif. T'es encore en Angola ou quoi? C'est quoi? Non. T'es trompé d'heure là, des mon histoires, pote. Des histoires de clés, tout ça, des téjages. Bon, bref. Oh, vas-y. Voilà. Donc, bah, je vais essayer de te faire un grand résumé en quelques phrases de ce qui vient de se passer. Ouais. Donc, je te présente Fares, yes, qui a monté son shop qui est Molly, okay, au 60 rue Berceau de Besançon, okay, évidemment. Okay. Donc, tu pourras le retrouver sur Instagram, chez Molly. Tu pourras le retrouver sur Facebook, chez Molly. Okay. Tu pourras le retrouver sur Tumblr, c'est chez Molico. Tu pourras le retrouver, enfin, tu peux le retrouver un peu partout, okay, et surtout au shop. Et... bah, on a un peu parlé SAP, on a un peu parlé... le skate, l'univers du skate. Ah, c'est le... ça peut skate, tout ça. Ouais. Okay. Tout le rapport avec le hip-hop, okay, et puis un peu ben, ce qu'il fait aussi ici, parce qu'ils ont fait un bon petit truc aussi ici pour les skateurs. Okay. Donc voilà, fallait être là, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, bon, voilà. Je vais essayer de rattraper. Tu reviendras. Donc, du coup, ça veut dire que ouais, j'ai un chèque cadeau pour aller acheter des trucs alors. Ouais, mais ça se négocie directement. Ça, c'est en interne. Boss. C'est en interne. Ok, t'inquiète. Def Jam Besançon, on arrive là. t'avais une question, c'était par rapport à. Ouais, c'était par rapport au nom en fait, Molly. Ouais. Parce que la Molly, c'est une drogue. Ouais. C'est par rapport à ça ou pas du tout? Alors, c'est plus fin. Mais c'est en rapport avec tout ça. Ah, tu vois, quand même. Donc, ah, il relance. Il relance. C'est creusé. On y a pensé longtemps au nom. Ouais. Hein, comme tu peux imaginer, trouver un blaze, c'est le plus dur, je crois. Exact. T'as vu, nous, on s'appelle la 25ème. T'as l'idée. 30 secondes. T'as ta ligne de conduite. T'as tout. Tout est en place, mais il y a toujours un truc qui bloque et c'est tout le temps ça. Le blaze, le titre. Ou... Enfin, voilà. Donc nous, le délire, c'est on n'est pas allé plus loin que le bout de notre nez, tu vois, on adore le rap, le hip-hop. Et aujourd'hui, dans le rap américain, le mot qui sort le premier, avant fuck, avant plein d'autres mots, depuis ces 5 dernières années, c'est Molly. Mmh. Parce que tous ces rappeurs qu'on adore et qu'on écoute tous les jours, ils sont addicts à cette drogue, tu vois ce que je veux dire? Ils sont vraiment drogués, ils peuvent pas s'en passer. Donc nous, on a tourné ça dans l'addiction, okay, tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc comme tous ces rappeurs, toute cette jeunesse, tous ces gens qui sont addicts à ces merdes, bah, s'ils pouvaient être addicts à notre magasin, okay, de la même manière, ce serait super sympa de leur part. Okay. Mais ces magasins, c'est... Fin, c'est... Et après, tu vois, donc on l'a tourné sur les réseaux avec chez Molly. Okay. Déjà, Molly s'était pris. Okay. Ouais. Donc chez Molly, pourquoi? Parce que ça fait un peu british, ouais, tu vois, ouais, anglais, ça fait classe en même temps. Il y a des magasins, ils s'appellent chez Edouard, chez machin. Nous, au début, on voulait carrément... Le chez truc de chez, bonjour, ça nous a chez CC. Tourner la tête. On voulait l'appeler après chez Ali le magasin. Chez Ali. Fasse épicerie. 6 minutes. Okay. Tu vois ce que je veux dire dans ce délire là, donne des papiers craft, tu sais, des sachets. Ok. Mais sauf qu'on avait déjà fait toute la com autour de chez Molly. Mais du coup, Molly c'est juste le nom du magasin ou vous avez développé une marque aussi? Non, c'est le nom du magasin. Et ensuite, c'est pas que un magasin, Molly. C'est un gros groupe de personnes, un gros regroupement. C'est plein de choses en même temps. C'est de la musique, c'est du sport. Ok. C'est des DJ, c'est des skateurs, c'est des graphistes, c'est plein de choses. Ok. C'est plein de choses réunies, Molly. C'est un lifestyle. Ok, je connaissais pas, je viendrai voir volontiers. Faites des costards, des costumes. Non, pas trop. On reste des costumes pour skater. Ça, c'est son côté sapologue qui ressort. Non, on a des casquettes, t'inquiète. Non, je viendrai check. Volontiers, vraiment. Ok. Yes. Bah, écoute, moi, j'avais encore quelques questions. Vraiment, bah, c'était plus sur... J'avais vu aussi, bah, grâce au réseau, en fait, principalement, que... Ouais, merci. Que t'avais organisé des événements dans le shop. Ouais, ouais. Ça arrive assez souvent, selon ce que les distributeurs, les marques, les gens qui sont autour de nous proposent. Ouais. Faut que ça nous parle, bien sûr. Faut que ça rentre un peu dans notre ligne de conduite, dans tout ce qu'on veut, vers où on veut aller, tu vois ce que je veux dire? Parce que on a une... Les marques, elles nous voient en fait aujourd'hui avec les réseaux. Yes. Alors, ils savent, ils aiment bien voir ce qu'on fait de leur marque et ils nous laissent pas faire tout ce qu'on veut. Okay. On a des clauses, on a pas mal de trucs. Donc du coup, quand on fait des événements, c'est des événements nationaux. Ça se passe simultanément à la même heure presque, ou alors au jour même dans tous les shops qui les font en France, tu vois. D'accord. Okay. En général, c'est des avant-premières de vidéos en fait. D'accord. Américaines ou quoi. Avant qu'elles sortent à la vente, quoi. Ben nous, on a vu qu'on vend la marque, on fait la diffusion. C'est pour ça que tu as pu remarquer pas mal de monde. Ça réunit tout le temps, plus de 70. On offre de la graille, on offre de la boisse. Et derrière, on récupère un petit billet auprès de la marque. Bien dégradé. Bref. Bien sûr. Tout est là que pour la jeunesse, encore une fois. Tout ce qu'on fait là, c'est juste pour mousser, et puis pour qu'ils reviennent, et puis pour qu'ils kiffent, et puis qu'on soit pas que les mecs qui prennent leur oseille. On est aussi là, on passe du bon temps avec eux. Ok. Voilà, puis on a déjà fait aussi des vernissages. Ok. Voilà, avec des expos. On a fait des samedis animés, entre guillemets, avec des potos DJ de... C'est des mecs de Ghetto 25. Ok. C'est ceux qui se produisent un peu partout aujourd'hui. Ils ont fait récemment le Détonation. Mm-hmm. J'ai vu leur t-shirt on a fait une triple collab. On a bien rigolé là-dessus. Encore une fois, c'est parti d'un délire avec Akan hein, de la Corne d'Or. Super sympa. Yes. Très bon kebab aussi. Mm-hmm. Au passage. Si vous avez... Tomato, un cornichon de la totale. Cornichon bientôt. Donc en gros, on a fait une triple collab Ghetto 25, Molly et la Corne d'Or sur un maillot Adidas. Yes. Voilà. Vous pouvez retrouver en vente en boutique. Mais que en précommande. Ok. Un petit passage, petite pub au passage à Cannes, hein. Rue Claude Pouillet, comme on dit chez nous, la rue des Gueuches. La rue des Gueuches de l'autre côté du pont battant. Mais la vérité, lourd. Il est bon. Ouais, lourd. Vraiment. C'est le hasard qui nous a ramené là-bas. Hein. On n'était pas amis là-bas. C'est pas les Gueuches. Non. C'est pas la boisson. Et du coup, pareil, on avait discuté aussi d'un petit projet, d'un petit événement que je voulais faire donc pour la fête de la musique. Et voilà, moi je pense que peut-être que l'année prochaine, si tout va bien et si même nous on arrive un peu à... Si tu rappes encore, si on est toujours là. Ce sera pas forcément pour moi, tu vois. Parce que moi j'ai entendu dire que t'étais à la retraite là. Ouais, c'est Jounès dans la 25e. Ouais, c'est toi, oh, c'est... Oh là, incroyable. Mais ouais, en tout cas, si jamais t'es toujours partant là-dessus, tu vois, peut-être qu'on pourra organiser avec un petit truc devant le shop. Mais à une condition, hein. C'est que l'animal il vienne poser devant le magasin. Incroyable. Poser. Light check. L'ETN et le skate à côté. L'ETN et le skate à côté. Et juste tu poses, tu vois. Et le synthétique. Faut pas l'oublier, le synthétique. Moi, je te mets du synthétique sur la scène. Ouais, j'ai une petite. On pourrait faire des événements hip-hop, donc du coup, en collaboration avec toi. Ça veut dire quoi, événement? C'est le vaste. Événement hip-hop. Attention. Toi, tu voulais dire quoi, toi? Non, fête de la musique. Non, mais la fête de la musique, elle rentre dans un cadre événementiel hip-hop. Ouais. D'accord. Est-ce que... Mais là, on sait ce que c'est. Ouais. Non, mais si je te ramène, par exemple, une, deux, trois rappeurs un peu ouinf, tu nous accueilles ou pas? Mais pourquoi faire? Faire un truc de... pour faire un truc de ouf devant ton magasin ou même dedans, tu sais, ça peut... Pour faire un clip, un délire du genre. Ah non, non, non, on vient, on rappe. On fait un concert, tu vois. Comme ça? Ouais. Ah, mais là, il faut faire des demandes à la mairie. Ok, donc alors, si on vient pour faire un clip, alors? Et dis-toi que la surprise que j'ai eue, Chao, c'est que je l'avais jamais remarqué, en fait. Et là, ça l'a fait là, sur le dernier événement. Il y a l'Assassem qui m'est tombé dessus. Ah, ah oui. Les histoires. Ouais. Ah oui. Assassem. Je savais pas, moi. Ouais, effectivement. Ils ont regardé nos événements sur Facebook. Et ils m'ont tout facturé. Donc. Mais non. C'est... Ah oui. Voilà. Non, non, bien, bien. Merci l'Assassem de faire votre travail. Alors. Ouais, c'est chaud. Mais comment ils ont pu quantifier tout ce que t'avais passé comme son? Parce que non, c'est pas comme son, c'est comme artiste que j'ai produit dans le magasin et puis qui sont produits devant le magasin. D'accord. C'est ça le délire en fait. Ok. Bon. Voilà, voilà. De toute façon, mec, il est pas inscrit à l'Assassem. Bon, bah, du coup. Non, parce que l'Assassem, nous, on l'a payé tous les mois. On l'a payé tous les mois pour. Pour la diffusion. Pour diffuser. Diffuser même, on a payé même pour diffuser des vidéos. Mais ça coûte combien, ça, sans indiscrétion, en vrai quand... C'est. Comme ça, sur le tas, c'est pas un gros billet. Ok. Mais additionné à tous les petits billets qu'on paye, qu'on est une société, ça fait. Tu vois, non, bien moins, ouais. C'est 350 balles l'année, un truc du genre. Plus, à chaque fois. À chaque fois, il faut payer dès que tu fais un événement, en fait. Okay. Oui, oui. Donc faut là, que là, tu toutes les boîtes là qu'il y a ici au centre-ville, même ailleurs, dès qu'elles diffusent, elles payent. Ouais. Incroyable. Ouais. C'est comme ça que, en fait, tu obtiens le statut de, comment on dit, du diffuseur. Intermittent du spectacle, en fait. Ok. Okay. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, là... c'est comme ça que tu peux prouver, en fait, à l'État, toi artiste, que tu fais des heures. Ok. Parce que c'est avec ça qu'ils te payent. Ok. Ok. C'est bien, c'est bien. Oui, bien. Oui, oui, c'est bien pour sûr. La bonne cause, on va dire. Oui, entre oui, oui. Mais je pense, je pense pas que tout le monde paye en vrai en soi. Si, si. Ah ouais? Bah, t'inquiète pas, ils tombent dessus. Si t'ouvres, t'es là, que t'as le nez sur la rue, crois-moi qu'ils savent que t'es là. Ok. Bah, ouais. C'est comme le. Tu payes. Par exemple, un barbier ou un truc comme ça, un coiffeur, tout ça, qui diffuse du son dans son salon pour la journée, il doit payer l'assassin. Ouais. Incroyable. Là, tu m'apprends. C'est obligé. Je savais même pas. Ouais. Moi, au début, on voulait pas déclarer. Hein. On est parti sur le truc, on attend qu'ils viennent et puis on paiera. Mmh. Logique, et puis ils sont vite venus. ils sont super vite venus. Ok. Mmh. Okay. Mais après, voilà, tu vois, c'est pas un gros billet, comme je t'ai dit. Ouais, mais oui, pour toi, c'est pas un gros billet, mais si t'additionnes tout ce beau monde... Si t'additionnes tout ce beau monde, ça leur fait un énorme billet. Mais encore une fois, c'est pour reverser aux artistes. Oui, c'est une partie du... Tu vois ce que je veux dire, ça fait partie, partie de la paye, quoi. Ça me fait, ça m'embête moins que donner 20% de TVA, par exemple. Tu vois. Ok. Largement moins. On va s'insérer à l'Assassem, hein. Non, moi, c'est dans les tuyaux. Hein. Mais toi, t'arrêtes pas, toi. Moi, c'est dans les tuyaux. Ok, donc par rapport aux événements, donc c'est beaucoup lié au, du coup, aux sorties vidéo des marques et tout ouais, ça. Voilà. Donc, en fait, c'est tout le temps, c'est tout le temps organisé en amont par quelque chose. Ouais. Et pour pas que ça me coûte trop de bif non plus. Okay. Parce que quand c'est eux qui proposent, c'est eux qui payent en soi. Quoi. Et tu l'as posé la question, mais t'es implanté depuis quand? Bientôt 5 ans là. 5 ans? Ouais, fin février, début mars, ça fera 5 ans. Ok, c'est pour ça que je reconnais. Ok, ok. Parce qu'avant j'allais à Slidebox. Slidebox, ouais, c'est dans le même coin, délire, ouais. Non? Ouais, c'est juste non, à côté, pas trop. C'est juste à côté. Non, c'est pas le même. Bah, eux, tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les skateparks. Eux, ils sont dans la ride. Oui. Tu vois ce que je veux dire, clairement. Nous, on est que dans le skate. Même, t'as skate même corps, du matériel, corps, corps, corps, matériel de snow, je crois, là-bas. Ouais, là, il y a tout là-bas. Ils ont tout. Il y a de la sable, des chaussures. Moi, j'aime bien me servir là-bas. Des trottinettes, des rollers, il y a tout. C'est vraiment multiglisse, la ride. La ride. La ride. Ça, la ride, en fait. Ça, les. Comment ils s'appelaient ce dessin animé? Les Rocket Power quand t'es plus petit. Ouais, c'est ça. Je connais les Power Rangers et les Rasta Rocket, mais. Ouais, les Rocket Power ensemble. C'est une fusion. Ils ont regardé des BZ ensemble et ça leur a donné des idées. Non, c'est ça. Okay. Non, non, bah, je viendrai jeter un œil parce que c'est le genre de truc. Après, pour revenir dans ce que je vois dans le magasin, on vend pas que des marques de skate, tu vois. En fait, aujourd'hui, dans le skate, t'as tous les majors, ils sont mis à faire du skatewear, on va dire. Tu vois. Donc, il y a Adidas, il y a Nike qui fait du skate. Moi, je fais pas Nike. Mais Nike, ça a racheté Converse, par exemple, il y a 2 ans. Du coup, moi, j'ai Converse. Et puis, dans un tout autre délire, tu vois ce que je veux dire, je fais Clarks. Clarks. Les Clarks, c'est classique. Ouais, les Wallaby, les Desert Boots. Les Clarks. C'est quoi, les bateaux, non? C'est pas ça? Non, les bateaux, c'est... C'est un autre bail encore. Un autre bail, ouais. Ouais, c'était les Sebago, les bateaux, c'était Sebago. Ouais. Un peu couleur comme là, ça. La couleur, là, les semelles crêpes, ils appellent ça. Ouais. Mais Nike, tu l'as pas parce que tu le veux pas? Nike, je l'ai pas parce que c'est... Il faut avoir les reins pour travailler avec Nike. Il faut avoir des sacrés reins. Il faut avoir un sacré budget. Il faut être tranquille dans sa tête. Okay. Parce que sinon, Nike, c'est eux qui te mangent. Okay. Et c'est pour ça que les magasins avec Nike, ils font pas long feu. Nike, c'est... T'es obligé de... En fait, pour avoir le truc que tu veux, que tout le monde veut... Mmh. Prendre 10 autres trucs avant et que tu veux pas. Ah, ok. Parce que c'est du placement et que c'est comme ça que ça marche. Donc, du coup, si t'as pas la notoriété et le bif en soi pour les payer à temps, parce que tu vas les vendre, hein, c'est sûr, mais tu dois payer au bout de 30, 60 jours. Mm-hmm. Tu vois. Donc, c'est. Et puis Nike, demain tu payes pas, je te jure, ils te ferment le magasin de même. Hein. Ils ont leur propre service de juriste, ils ont tout sur place, leur bureau. Bah oui, c'est Nike. Ils pèsent. Même si tu distribues que 5% dans tout. Non, les... tu peux pas. Déjà, ils t'imposent un. C'est eux qui te disent combien tu dois faire. Mmh. Selon ta force, à toi. Et selon où t'es, et déjà ce qui les intéresse. Ok. Nike, c'est. Bah oui, Nike se retire. Il y a juste Jordan, il y en a plus nulle part. Tu vois. Non, mais des vrais Jordan, des vrais de vrais, il y en a nulle part. Ouais. Pourquoi c'est dû à quoi ça? Je me rappelle parce que c'est Nike Jordan. C'est... Oui, mais c'est dû. Ouais. Pourquoi ils ont C'est Nike et pas, non. Parce qu'en fait, Jordan, c'est le seul mec chez Nike qui a réussi à. Créer sa propre branche dans. Voilà, dans Nike. Et tout lui appartient. Il n'y a rien qui appartient à Nike. En gros, c'est Nike qui appartient à Jordan dans le sens. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Il fait ce qu'il veut, ils disent oui, ils ont pas le choix. Mmh. Et ils feront jamais cette erreur, tu vois. Mmh. Cristiano Ronaldo, ils ont tous essayé. Hein. C'est mort. Ils le feront parce plus. Ils ont vu avec Jordan. Non, mais oui, aujourd'hui, il est au maximum. Ouais. Ok. Il est au maximum. Il a signé un contrat qu'il l'a arrangé. Mais ils ont tous essayé. Roger Federer, Tiger Woods. Mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Ils leur ont laissé sur un laps de temps faire ce qu'ils veulent. Comme ça, tu sais, les initiales, les bailleurs, on les a tous vus. Mais une fois que ça. En gros, une fois que ça marche, ils arrêtent et après ils le font série. C'est comme les trucs avec Pharrell. Parce qu'ils veulent pas que le nom prenne le dessus sur la marque, en fait. Voilà. Et là, aujourd'hui, en fait, toi, j'ai Jordan, c'est Nike, mais c'est la seule paire aujourd'hui, à part la Jordan 1. Où il n'y a pas le Nike dessus. Ouais. Il n'y a pas de Nike sur Jordan. À part la Jordan 1. Mais on sait. C'est pas pour rien que ça Jordan 1. Mais on le sait tous que c'est Nike Jordan. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Mais je me rappelle quand on a plus mais tu vois on a plus les... je sais pas déjà quand on parle de basket on pense à Jordan avant Nike. Ouais oui. Ouais. Tu vois ouais. C'est vrai. Moi qui fais du basket, tu me parles basket, je pense Jordan. Bah oui, automatiquement. Ouais. Je dis pas Nike. Tu vois, ils ont tous essayé même comment il s'appelle le LeBron, ce qu'ils voulaient, ils lui ont dit non, mais ils ont donné un gros billet, tu vois ce que je veux dire, ils les régalent hein. Ils sont... Mais c'est fini. Ils ont appris de leurs erreurs, comme ils disent. Et là, ça se compte en millions, milliards, je pense. C'est un délire. Moi, j'ai juste une question. À l'époque, à mon époque, quand j'étais jeune, il y avait un style... Il y avait les skaters d'un côté. On a déjà répondu à cette question tout à l'heure. Mais ça fera... Vas-y, on va jusqu'au bout. Est-ce que c'est toujours... Enfin, il y avait... Moi, je ne sais pas dans quoi j'étais, mais j'étais en face des skaters, en fait. Tu vois, moi, plus jeune, tu vois, moi, j'ai 31 ans aujourd'hui. Ouais. J'ai commencé le skate à 15 ans, 16 ans, tout ça. Ouais. Puis moi, à 15 ans, 16 ans, j'écoutais le Wu-Tang. Mm. J'écoutais Redman, Method Man. J'écoutais Gangstar. J'écoutais Biggie. Ah, j'écoutais Tupac. Ils étaient gangs, hein, les skateurs. Mais ouais, mais c'est ça, en fait, le truc. C'est que tout à l'heure, on disait pas ça. On disait qu'on avait déjà plus un truc de rocker. Tu sais, à l'époque du collège, un skateur, il écoutait du rock, tu vois. Mais ça, c'est l'image. Mais en parlant avec c'était la fausse image, comme je disais, c'était plus les... Ça, c'était pas des skateurs en fait, tu vois. C'était des mecs qui se baladaient avec un skate. Tu sais, la mode des Sum 41, tout ça. Mm-hmm. Même ces mecs-là, c'est pas des skateurs. Mm-hmm. C'est juste des Californiens qui ont capté que le blond avec des tatouages et puis un skate dans les mains, ça faisait rêver les gens. Quoi. Ouais, c'est l'image qu'on a du. Alors qu'en vrai, de vrai, le skateur, il est toujours, tu vois, il est dans la street. Okay. Du rap depuis tout le temps. Mais... Pas tous, hein. Pas tous, c'est ce que je disais, mais aujourd'hui, à 80%, c'est le cas. Okay. Même avant. Mais là, ça n'existe plus. Il n'y a plus le fossé entre. Parce que moi, je me rappelle qu'au collège, quand on voyait un mec en Vans, on le taillait de ouf. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde met des Vans. C'est ça. Non, mais ouais, du coup. Tu regardes tout à l'heure, là, encore, je regardais un post, la fille à Mayweather. elle est que 26. Alors que Dieu seul sait qu'elle peut avoir toutes les paires du monde qu'elle veut. Mmh. Mais elle a juste une paire de old school à 70 balles. La fille à Mayweather. La fille à Mayweather. Le boxeur. Tu vois, mais c'est un délire après, mais c'est comme ça. Même à sa proki sur scène, il a des old school. Ouais. C'est des paires à 75 balles. C'est... Ça s'est réuni tout ça en fait. Il n'y a plus de. Il n'y a plus de fossé. Non, et puis même au-delà de ça. Au-delà de ça, aujourd'hui, tout le monde met des trainings. Regarde les petits. Regarde tout le monde. Tu sais, tu peux plus dire lui, c'est un gars de quartier. Ou lui, c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est habillé pareil et tout le monde kiffe la même chose. Ouais, mais voilà, c'est pareil. Aujourd'hui, il n'y a plus. Mais moi, je pense quand même que le style skater, entre guillemets, comment il s'habillait avant, il a pris le dessus en fait. Mais aujourd'hui, c'est juste que c'est la mode. Ouais. C'est l'influence du skate en fait. Aujourd'hui, le skate, il influence le luxe. Ouais. Tu vois ? Aujourd'hui, le luxe, ils font des grosses chaussures. Ils mettent des baggy. Ils mettent des hoodies oversize. Déjà, ils mettent des. Déjà, juste se retrouver dans la street, c'est skate. Okay. Tu vois ? Les éditoriaux que tu voyais, les éditoriales, pardon, tu voyais dans tout. Toutes les marques, Isabelle Marant, toutes ces marques de luxe là, ils faisaient dans des skateparks. Même à Venice Beach aujourd'hui, tu vois. Et puis, puis voilà, et puis on a tous joué à Tony Hawk, et puis. Oui. Et puis c'est un délire quoi. Moi de toute façon, c'est Tony Hawk hein, qui m'a donné envie de faire du skate. Hein. Pas te mentir. Hein. Ça se butait. Je savais pas moi ce que c'était, tu vois. Puis quand j'ai vu, après je faisais du hockey, puis il y avait des mecs du hockey, ils avaient un skate. Puis Tony Hawk quoi, tu vois. On faisait du skate sur place. C'est la première fois que j'avais un vrai skate en face de moi. Et puis je voyais comme il faisait tout ça, je leur disais ouais, moi je le fais aussi, si tu le fais, je le fais. Et puis au final, tu vois, je le faisais pas. Et j'ai voulu le faire, tu vois, semaine après semaine. Je venais à l'entraînement, puis je savais faire petit à petit, tu vois. Jusqu'à que je le faisais. Quoi. C'est ça, en fait, comment j'ai commencé le skate. C'est tout. T'en as mangé des chutes ? Ah, j'en ai mangé dans tous les sens. Des sales. Tous les jours, même aujourd'hui. Tout le monde. C'est ça aussi qui est bon dans le skate. C'est que les gars, ils tombent sur du macadam, ils tombent de haut, ils recommencent jusqu'à le faire. Faut être bien acharné. Même ils se cassent, ils reviennent 7 mois après. Faut ils bien le font. Aimer ça, vraiment. C'est un délire de ouf. Tu vois. C'est les gars du terre-terre. Faut bien aimer ça. Ça a bien changé. Ouais, pour revenir au. Ah, t'avais. Ouais, je suis à la radio là. Puis même, tu vois, dans le skate aujourd'hui, t'en as trop. Tout à l'heure, on parlait de rappeur. T'as Tyler the Creator. Oui, exact. C'est un skater, Tyler the Creator, avant d'être un rappeur. Mm-hmm. Tu vois. Je sais pas, Lil Wayne, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui en fait. On avait changé de sujet. Lil Wayne en fait aujourd'hui, tu vois, il a vu qu'il allait pas percer dans le skate. C'était pas possible. Parce que lui, il a voulu percer dans la mode en fait. Il a voulu lancer sa marque. Voilà, c'est ça. De skate. Truck Fit, il a voulu buzzif rentrer dans le skate, faire des trucs et tout. Et il a vu qu'en fait, que dans le skate, tu peux pas arriver comme ça. Et puis dire j'ai du beef. Et donc tout le monde se foutait de sa gueule en fait, dans le skate. Alors que tout le monde le kiffait à l'époque, à part à l'époque des Carters et tout, tu vois. Tout le monde, et tout le monde était dégoûté de le voir là-dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Les skaters, tu vois, ils disaient pourquoi ils font ça ? Mais sa marque, elle a fonctionné quand même. Non, bah non. Aux États-Unis. Non, elle est où aujourd'hui ? Non, mais à l'époque. Ouais, mais une marque qui fonctionne, c'est une. Ça a été un Oui, oui, non, mais oui. Une marque qui fonctionne, c'est une marque qui perdure. Qui perdure, bien sûr. Mais pendant 2-3 ans quand même, il était là dans tous ses clips. C'est lui qui faisait son propre placement. Ouais. Tu vois, il avait placé sur The Game, il avait placé sur plein, je m'en souviens, comme c'était hier, tu vois. Mais non. Il n'y a que son entourage et lui. Donc, du coup, seulement aujourd'hui, il est reconnu dans le skate. C'est pourquoi ? Parce qu'il a capté qu'en fait, il fallait se créer tout un entourage, tout un univers qui nous appartient. Donc aujourd'hui, il a fait un skatepark, en fait, ouvert, dans son quartier, où il a accueilli tous les gars de chez lui, en fait. Et c'est comme ça que c'est devenu comme un Père Noël, comme un mec reconnu. Et aujourd'hui, tous ces mecs-là, ils ont percé. C'est les meilleurs skateurs du monde, tu vois. Et c'est que tu veux. Et tu peux pas être plus reconnaissant envers lui que de t'avoir donné une infrastructure, t'avoir payé tes skates, tes chaussures, et tout te donner pour que tu puisses percer. Tu vois, parce qu'en fait, il a créé ses poulains, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Les mecs qui allaient porter sa marque, ses bails, ses trucs, et tout ça, ça a pris 10 ans, moi. Ouais. C'est seulement maintenant qu'il est reconnu, on va dire, que tout le monde l'aime dans le skate. Mais la marque, elle est ouinf, là, je crois. Ouais, parce que maintenant, il a plus besoin de ça. Aujourd'hui, il a ses poulains. Il a ses, ça, c'est passe à autre chose. C'est comme s'il était agent, en fait. Parce qu'il a des skateurs à lui, c'est encore ça. Ouais. C'est encore 10 fois mieux. Il a son crew, c'est comme Pharrell, tu vois, avec Ice Cream. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut pouvoir monter le bon crew. C'est ça. C'est qu'une histoire de crew et de visibilité, de lifestyle. C'est ça le délire, en fait. Faire kiffer les autres avec ton propre univers. Mais